Chapitre 31e, le jeu de raquettes. Brusquement arrachée à son sommeil, Madame Dare déversa sur les deux garçons sa mauvaise humeur. « Qu'est-ce que vous avez fait ? » s'écria-t-elle en secouant les volants de sa robe. « Vous avez fait quelques polissonneries. Pourquoi êtes-vous entré si bruyamment et avez-vous l'air aussi effrayé que des lièvres ?»« Nous ne sommes pas effrayés, » répondit Cyril. « Nous avons chaud. Nous venons de courir. »« Courir, pourquoi ? » répéta-t-elle. « Quand je dis que je veux savoir une chose, je le veux. Je vous demande ce que vous avez fait. »« Rien qui doit vous inquiéter, » dit Georges. « Une des fenêtres du vieux Markham vient de se casser. »« Parce que vous y avez lancé des pierres, » s'écria Madame Dare. « J'en suis certaine. Vous ne pouvez pas le nier. Vous le paierez, votre dégât, de votre argent de poche, si M. Markham vient réclamer ici comme la dernière fois. »« Oh, il ne viendra pas. Il ne nous a pas vus. Le thé est-il prêt ?» Vous pouvez aller voir à la salle d'études, c'est là que vous le prendrez. Les deux garçons coururent à la chambre indiquée, peu leur importait où ils prenaient leur thé pourvu qu'ils l'eussent. Mademoiselle Bennion le servait quand ils entrèrent. Ils se jetèrent sur un canapé et se mirent à rire si longuement et si modérément que leurs deux sœurs demandèrent la cause de leur gaieté. « Oh, c'était si comique !» cria Cyril quand il put parler. « Nous venons d'enfoncer une des fenêtres du vieux Markham. » La vieille était en bonnet de nuit, et je crois que la pierre a dû la toucher à la tête. Monsieur Markham et Herbert bavardaient ensemble et n'ont rien vu. Nous lancions des pierres avec nos raquettes de cuivre, expliqua Georges, jaloux que son frère fît seul les honneurs du récit. Et une pierre, raquette de cuir, interrompit l'institutrice. Georges, je vous ai déjà repris l'autre jour. Qu'est-ce que ça me fait? Répondit grossièrement Georges. J'aimerais que vous ne m'arrêtassiez pas. Nous nous amusions à lancer de petites pierres, et voilà qu'une est tombée droit sur nos têtes. Nous l'avons relancée, et elle allait casser la fenêtre et atteindre la vieille mère Markham à la tête. Comme ils sont en colère d'avoir à la payer. Ils sont pauvres comme Job. Et ils vont la feront payer, dit Rosa. Allons donc, ni vu ni connu, dit Cyril. Je leur donne la permission de nous faire payer quand ils nous découvriront. Nous croyez-vous si bêtes, vous autres? Nous avons passé sous la haie, et personne ne nous a vus. Qu'est-ce qu'il y a pour le thé? Du pain et du beurre, répondit l'institutrice. En mange qui en veut, moi je veux des confitures. Cyril tira la sonnette. Nancy, la domestique de la salle d'études, parut. Des confitures, et dépêchez-vous. De quelle espèce, monsieur? Demanda Nancy. Voyons, de la confiture aux prunes. On l'a fini la semaine passée, monsieur. C'est presque le moment d'en faire de nouvelles. Cyril lui lança une sottise. Après avoir hésité, il se décida pour les groseilles. « Apportez-moi des abricots, » cria Georges. « Et des raisins, » réclama Rosa. « Nous pouvons bien en avoir aussi, nous, puisque vous en avez. » Nancy disparut. Cyril se rejeta sur le sofa en poussant de nouveaux éclats de rire. « Je ne puis pas m'arrêter, » s'écria-t-il. « Je pense à la peur de cette vieille femme et à leur ennui de devoir payer. »« Savez-vous ce que je ferai à votre place, Cyril ?» dit Mademoiselle Bennion. « J'irai vers Markham et je lui dirai franchement que je suis cause de cet accident. » « Vous savez, comme il est pauvre, il ne pourra pas payer. » Cyril regardait Mademoiselle Bennion. « À quoi ça servira-t-il ? » « Cela servira, Cyril, à réparer le tort que vous avez fait à un pauvre voisin et vous permettrait de dormir la conscience tranquille. » Cette dernière suggestion amusa considérablement Cyril. La conscience et lui n'avaient pas grand-chose à faire ensemble. Il disait poliment à Mademoiselle Bennion que ses idées étaient bonnes pour les vieilles filles. Quand Nancy revint avec les diverses espèces de confitures demandées, Cyril rapprocha sa chaise de la table, Nancy sortit. « Tire la sonnette, Rosa, » dit Cyril, avant que la servante eût pu atteindre la cuisine. « Je ne puis pas les distinguer, il faut de la lumière. »« Tire-la toi-même, » répliqua Rosa. « Georges, sonne !» commanda Cyril, et Georges, qui était au collège au-dessous de Cyril, obéit. « Vous auriez pu le dire à Nancy, » lorsqu'elle est venue, Cyril. Observa Mademoiselle Bennion. Cela lui aurait épargné un voyage. Et puis après, rétorqua Cyril, pourquoi sont faites les jambes des domestiques si ce n'est pas pour être employées? Nancy reçut l'ordre d'apporter des bougies. À peine avait-elle obéi qu'on l'entendit remonter. Monsieur Cyril, Monsieur Markham demande à vous voir. Cyril et les autres échangèrent des regards. Avez-vous dit que j'y étais? Oui, monsieur. Alors vous êtes une imbécile. Dites-lui que je ne peux pas le voir, je prends mon thé. Nancy descendit, puis remonta. « Il dit qu'il doit vous parler, monsieur Cyril. »« Cyril, soyez un homme, » lui murmura Mademoiselle Bennion. Cyril s'écarta brusquement. « Je ne veux pas descendre, Nancy. Vous pouvez en prévenir, Markham. » Il s'est assis sur le banc du jardin sous la fenêtre pour attendre. Il dit que si vous ne voulez pas le voir, il fera demander M. Dare. Cyril était pris au piège. Il lança son pain et ses confitures sur la table et descendit à la hâte. « Qu'est-ce qu'il me demande ? » cria-t-il en sortant. « Ah, c'est vous, Markham ! Pourquoi êtes-vous venu lancer des pierres et casser ma fenêtre, Monsieur Cyril ?» Cette question parut jeter Cyril dans le plus profond étonnement. « Moi, j'ai jeté des pierres et cassé la fenêtre ? » répéta-t-il. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. » « Vous, votre frère, l'avez fait. Vous étiez ensemble. Une pierre est entrée dans la chambre de ma mère et a passé tout près de sa tête. Je vous prierai d'envoyer un vitrier remettre le carreau. » « Voilà la plus étonnante des accusations, » dit Cyril. « Nous n'avons pas été près de chez vous. Nous sommes à prendre le thé. » À ce moment, M. Dare sortit. Depuis sa chambre, il avait entendu l'altercation. « Bonsoir, Markham. Qu'y a-t-il de nouveau ?» Markham expliqua que les deux coupables s'étaient glissés sous la haie après avoir fait leur coup, croyant sans doute ne pas être découverts. Mais Brooke, le laitier, avait tout vu. « Je serais bien fâché de les faire punir, Monsieur Dare. Nous avons tous été enfants, mais qui casse le verre le paye. J'ai prié votre fils de m'envoyer un vitrier. Je regrette qu'il ait nié la vérité. » Monsieur Dare se tourna vers Cyril. « Si tu l'as fait, pourquoi le nies-tu ? » Cyril hésita une demi-seconde. Quelle était la meilleure politique, nier ou avouer ? Il choisit le premier parti. Sa parole était aussi certaine que celle de ce maudit Brooke. Il n'avait pas été de ce côté-là toute l'après-midi. Brooke s'était mépris. « Je ne me trompe pas, Monsieur Dare. Brooke les a vus et soutient que c'est le plus grand qui a lancé la pierre. Si j'avais mis le feu à une maison, » continua Markham en se tournant vers Cyril, « je l'avouerais plutôt que de mentir. Quel homme deviendrez-vous ? » « Un meilleur homme que vous, » répliqua insolemment Cyril. « Attendez un instant, » dit Monsieur Dare. Et il monta à la salle d'études interroger Georges. Ce jeune monsieur avait entendu la discussion depuis une fenêtre de l'escalier. Il se sauva dans la salle d'études à l'approche de son père, bien décidé à soutenir Cyril. « Voyons, Georges, » dit sévèrement M. Dare, « toi et Cyril, avez-vous fait ce qu'on me reproche, oui ou non ?»« Certainement non, papa, » répondit-il hardiment. « Nous n'avons pas été chez Markham. Brooke est un imbécile. » M. Dare le crut. Il quitta la chambre quand Mlle Bennion s'interposa. « Monsieur, j'aurais tort de vous laisser dans l'erreur. Ils ont cassé la fenêtre. » M. Dare s'arrêta. « Comment le savez-vous, mademoiselle ?» Mademoiselle Bennion raconta ce qui s'était passé. M. Dare regarda d'un air sévère son fils cadet. « C'est toi qui es un imbécile, Georges. Un mensonge finit toujours par se découvrir. Ne m'en dis plus d'autre. » M. Dare descendit. « Je ne puis pas débrouiller le fond de cette affaire, Markham, » dit-il. « En tout cas, on vous remettra le carreau. Une vitre cassée n'est pas grand-chose. C'est beaucoup pour moi, monsieur, mais c'est tout ce que je demande. » Et vous me connaissez trop bien pour croire que je ferai une réclamation illégale. Brooke peut être questionné. » Il partit, et M. Dare toucha Cyril sur le bras et lui dit « Viens avec moi. » Il le conduisit dans sa chambre et lui fit une verte remontrance. Cyril, persuadé que Georges l'avait trahi, se taisait. « Quel rapporteur, pensait-il, comme je vais l'arranger. Si tu as pris l'habitude de mentir, tu ferais mieux d'y renoncer, » résuma M. Dare. « Ce ne serait pas une recommandation aux yeux de M. Ashley. »« Je ne vais pas chez Ashley, » s'écria Cyril, que la seule mention de ce nom mettait toujours en colère. « Devenu manufacturier, vraiment, j'aimerais mieux... »« Tu aimerais mieux faire le grand seigneur, » interrompit M. Dare. « Mais, » ajouta-t-il ironiquement, « il faut de la fortune pour jouer à ce jeu. »« Écoute, Cyril, je ne connais rien de mieux pour toi que d'entrer dans la manufacture d'Ashley. »« Tu peux dédaigner M. Ashley comme manufacturier ?» Mais d'autres que toi le respectent. Il a été bien élevé, il est riche et ses affaires sont florissantes. Supposons que tu lui succèdes. Je te garantis que tu aurais sous tous les rapports une plus belle position qu'Anthony ou Herbert. Mais il n'y a pas de chance que je lui succède, discuta Cyril. Au contraire, Henry, par suite de sa santé, ne succédera pas à son père. Et il est fils unique. Tu entreras chez M. Ashley comme apprenti, avec l'espoir de lui être un jour associé. « Voilà l'avenir qui t'est offert, Cyril, et quels que soient tes préjugés, tu dois convenir qu'il est brillant. »« C'est vrai, » avoua Cyril. « M. Ashley l'a-t-il proposé ?»« Pas positivement, mais il a admis, quand il a été question de ton apprentissage, qu'il pourrait avoir besoin de quelqu'un pour lui succéder. » Il a fait comprendre que l'associé ou le successeur qu'il choisirait devait être estimable et honoré par ses concitoyens. « Que pensez-vous, monsieur, que dirait M. Ashley de votre conduite de ce soir ?» Cyril daigna paraître un peu honteux. tu entreras chez M. Ashley, Cyril. Mais je tiens à ce que tu te rappelles toujours que le succès dépendra de toi. Deviens un homme respectable et tu réussiras. Je n'aurai pas la fortune de Ashley, je suppose, demanda complaisamment Cyril, qui se voyait déjà en perspective successeur de M. Ashley. Il est impossible de répondre, fit M. Dare d'un ton significatif qui surprit Cyril. L'existence de Henry Ashley est très précaire, et s'il venait à manquer, Marie Ashley hériterait de tout. Il sera heureux, celui qui pourra conquérir ses bonnes grâces et l'épouser. L'allusion était trop forte pour un garçon de l'âge de Cyril. Elle est si fière, cette Marie Ashley, grommela-t-il. Pas du tout, elle est très gentille, affirma M. Dare. Et Cyril retourna finir ses confitures et son thé. La soirée s'avançait. Madame Dare et Adélaïde, élégamment habillées, attendaient au salon l'arrivée du vicomte Hawksley. M. Dare n'avait pas l'air de se soucier de sa visite, et Julia, enfoncée dans un fauteuil, un livre à la main, aurait préféré qu'il ne vînt pas. Il parut entre 8 et 9 heures. C'était un petit homme jeune, élégant, parfumé, aux traits assez durs, à l'expression cynique. Elstonleigh disait tout bas qu'il se rendait le jeune Anthony Dare très utile, que sans cela il n'aurait pas condescendu à se lier avec sa famille, car le vicomte, d'un naturel déjà très fier, avait été imbu de tous les préjugés de son rang et de sa fortune. C'était la 3e soirée qu'il passait chez Madame Dare. La jolie figure d'Adélaïde lui offrait-elle quelque attraction? La jeune fille commença à le croire et construisait des rêves d'or sur cette supposition, oubliant l'abîme qui la séparait du vicomte. Elle s'assit sur sa demande au piano et commença une romance italienne. Elle avait une jolie voix et son chant valait mieux que son accent. Lord Hawksley resta debout près d'elle, regardant la musique. « J'aime beaucoup votre manière de chanter, lui dit-il quand elle eut achevé. Vous devez avoir eu un bon professeur. »« Comme ça, répondit en français Adélaïde, qui, comme la plupart des jeunes filles qui n'ont qu'une connaissance superficielle d'une langue, croyait de bon goût de montrer ce qu'elle savait. J'ai eu le meilleur professeur de Elstonleigh, mais qu'est-ce que cela en comparaison de ceux de Londres? Nous ne pouvons avoir des talents de premier ordre ici. Aimez-vous Londres? Demanda le vicomte. Je n'y suis jamais allé, répondit Adélaïde, toute confuse de faire cet aveu à Lord Hawksley. Vraiment? Et vous auriez du plaisir à y passer quelque temps? Oh oui, beaucoup. Je ne connais le plaisir de Londres que par les livres, à l'inverse de votre seigneurie, ajouta-t-elle en riant. Vous devez presque en être fatigué, désillusionné. Qu'est-ce que c'est que ça, en anglais? Demanda Lord Hawksley, dont les études de français avaient été depuis longtemps mises en oubli. Tué, je suppose. Adélaïde rougit beaucoup. Se moquait-il d'elle? Elle se jura bien de ne plus jamais parler français à un vicomte. Me trouverez-vous exigeant, mademoiselle, si je vous demande une autre romance? Adélaïde ne le trouvait nullement exigeant et était toute disposée à lui chanter des romances aussi longtemps qu'il le désirerait.